Bonjour Blockbuster. Ah, Tekken 3, un jeu avec lequel je jouais beaucoup et que je combattais mon frère. Enfin, plutôt lui, il me mettait des tannées avec Eddie et sa technique de la capoeira. Du coup, je le détestais. Mon frère, pas Eddie. Ouais, salut Fred, salut toute l'équipe, c'est Patrice. Bon, je suis un peu à la bourre, donc je viens de découvrir l'épisode sur Cobra Kai. Excellente émission, comme d'habitude. J'ai pas eu l'impression, et je sais pas si quelqu'un l'a dit depuis, mais la série a commencé sur YouTube. Moi, je l'ai découvert comme ça, un peu par hasard, en tombant sur un titre Cobra Kai. Je sais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je suis tombé littéralement amoureux de cette série à l'instant même où j'ai commencé à la regarder. Donc, merci pour ce petit épisode, vraiment bien sympa. Salut! Il y a des livres qui vous marquent, qui vous enchantent, qui vous émeuvent. Et puis des fois, c'est l'interprétation qu'un enseignant vous en a faite et qui vous marque. Moi, c'était Madame Tanzi, ma prof de français en première. Certains réalisateurs hollywoodiens ont adapté des classiques sur grand écran. Nous, on n'en avait pas besoin car on avait Madame Tanzi. La passion seule de cette femme pouvait remplacer les studios d'ILM, les salles IMAX et les effets 4DX quand elle nous parlait de Chrétien de Troyes et du Chevalier de la Charrette. Outre que c'est un roman classique de qualité que je vous conseille, ce qui nous amusait, c'est qu'elle y voyait des connotations sexuelles absolument partout. Chrétien de Troyes pour Madame Tanzi, c'était Abdelatif Kechiche en train de tourner La vie d'Adèle. Je la revois encore me demander lors d'un de ses cours. Là, le chevalier Lancelot sur son épée. Frédéric, qu'est-ce que c'est pour vous cette épée? Je sais pas, madame. A priori, je dirais son arme, vu que c'est un chevalier. Mais bien sûr que non, Frédéric. L'épée, c'est un symbole phallique. Ce que sort Lancelot, c'est son pénis. Après quelques mois, on avait fini par cerner sa grille de lecture. Sauf qu'une fois, lorsqu'on a abordé une scène où Lancelot était entré dans la chambre de Guenièvre et avait essuyé son épée ensanglantée sur ses draps, je m'étais risqué à lever la main pour dire « Madame Tanzi, ça serait-il pas une connotation sexuelle ?» Là, elle m'avait regardé comme un détraqué et m'avait dit, et tout est véridique, hein. Mais bien sûr que non, Frédéric. Sérieusement, faut se faire soigner. Comme quoi, des fois, dans les œuvres, ce qui est culte, ce sont les adaptations. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre est une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Poète, dramaturge, romancier, écrivain, dessinateur, politicien. Au 19e siècle, Victor Hugo a laissé un travail qui fait de lui un, si ce n'est le plus grand auteur français. Notre-Dame de Paris, L'Homme qui rit, Les Misérables, autant d'œuvres qui continuent d'inspirer la pop culture contemporaine. Homme de lettres et homme de combat, sa vie fut aussi passionnante que son héritage artistique. Pour tenter d'appréhender la galaxie Victor Hugo, j'ai avec moi Jean-Marc Ovas, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature française à Sorbonne Université et vous êtes biographe de Victor Hugo aux éditions Fayard. C'est ça. Avec nous également, Jenna Boulmedaïs, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, journaliste et fondatrice du média Jolly Môme et parallèlement, Victor Hugo est votre auteur préféré et vous avez d'ailleurs lu toute sa bibliographie. Oui. Avec nous, Pierre Gramont, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, chanteur et metteur en scène. Vous dirigez la compagnie L'Esprit du Mardi et vous êtes actuellement en tournée pour votre spectacle Victor Victus Cabaret Pop, une pièce de théâtre musicale sur des textes engagés de Victor Hugo. C'est ça. Les présentations sont faites. Victor Hugo, nous voilà. Votre Seigneurie, oh, vous m'avez tellement manqué. J'ai des milliards de choses à vous raconter. Me voilà marquis, vous vous rendez compte? Reviens avec nous. Ne reste pas ici avec ces gens. Ils font semblant de te respecter. Tu te trompes. Ils sont juste suffisamment éduqués pour accepter ma figure telle qu'elle est. Mais c'est toi qui es aveugle. Ils sont suffisamment éduqués pour cacher ce qu'ils ressentent, mais au fond d'eux, ils sont aussi grossiers que le public du champ de foire. Et bien plus malveillants. Mais du fait, il m'est arrivé et désire vous saluer. Sache qu'ici, le respect dû à mon rang me permet de me présenter partout à visage découvert. Même à la cour, même au Parlement. Mon fils, tu as mordu dans le fruit d'or. Tu vas recracher la bouchée de cendre. C'était un extrait de L'Homme qui rit de Jean-Pierre Améris, sorti en 2012. Comédie musicale. Films, pièces de théâtre, dessins animés. Alors, selon vous, Jean-Marc Kovas, qu'y a-t-il dans l'œuvre de Victor Hugo qui explique sa longévité et sa souplesse à se voir adapter sous tellement de formes? Peut-être, j'aurais envie de dire qu'il était d'abord un dramaturge. Il était d'abord un poète, mais très profondément dramaturge aussi. On l'a plus oublié, parce que tout le monde le connaît comme poète. On le connaît un peu moins aujourd'hui, curieusement, comme auteur de théâtre. Enfin, je parle sous le contrôle de Pierre Gramont. Je pense qu'il avait donc, il savait absolument comment on construisait une intrigue, comment on crée des personnages qui vivent et qui vivent de façon quasiment autonome et qui finissent par prendre leur indépendance. On peut parler de mythes, hein, des personnages qui sortent de leur œuvre au point que dans des adaptations dont vous parlez, certains ne savent pas que l'auteur de Notre-Dame de Paris, ou faudrait dire le nom en anglais, c'est Victor Hugo, que Quasimodo, que Cosette. Que Gavroche, pour passer aux Misérables, sont devenus des noms communs. C'était au départ des personnages de romans, des personnages de fiction. Pierre Gramont, selon vous, qu'est-ce qui explique cet attrait qu'on continue d'avoir et au-delà des frontières pour Victor Hugo ou pour l'œuvre de Victor Hugo? Alors, moi, je peux expliquer mon attrait. C'est difficile. J'ai pas une vision aussi universaliste, je dirais, que Jean-Marc Kovas. Et je n'ai pas étudié le phénomène Victor Hugo. Je m'en suis plus servi, en fait, pour faire des spectacles. Mais je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Marc Kovas. C'est vrai qu'il a su créer des œuvres où les personnages sont très forts et aussi où les intrigues sont très fortes. Il aime beaucoup, il a beaucoup utilisé, peut-être qu'on en reparlera, le rapprochement des contraires. Alors c'est très propre au romantisme, évidemment, c'est ce qui crée le tumulte, c'est ce qui crée la violence, les passions, etc. Mais c'est ce qui crée aussi la force dramaturgique d'une œuvre. Le fait que voilà un personnage veuille faire une chose, il a un obstacle, il a des alliés, il a des ennemis, donc ça fait des choses, des histoires épiques, très fortes, qui deviennent effectivement des mythes, et je pense que c'est ce qui explique la force de Victor Hugo. Jenna Boulmedaïs, on l'a dit, vous avez lu absolument toute l'œuvre de Victor Hugo, vous êtes encore assez jeune, qu'est-ce qui explique que tout d'un coup vous avez eu un déclic et vous vous êtes dit « Oh, en fait c'est mon auteur ». Au départ, c'était vraiment par hasard. Je rentrais au collège, j'étais au collège Victor Hugo, et donc c'était de la simple curiosité de qui est cet écrivain. Et en fait, j'ai tout de suite accroché. Et comme j'ai tout de suite accroché, j'ai continué à lire. J'avais pas trop d'amis. C'est souvent une blague qu'on fait, mais en fait, j'avais vraiment pas d'amis quand j'étais au collège, donc j'avais que ça à faire, lire des livres. Bienvenue au club. Enchantée. J'avais que ça à faire de lire des livres. Et donc, comme je savais que Victor Hugo, je l'aimais bien, c'est le premier auteur. À ce moment-là, je me rendais enfin compte que qu'il y avait des personnes derrière l'art. Et donc, du coup, c'est le premier auteur que j'ai suivi en tant qu'auteur et dont je me suis dit, bah, en fait, j'aime ce qu'il écrit, j'aime ses mots. Parce que moi, c'est pas tant l'histoire, c'est pas tant les histoires qui me touchaient, c'était plus la manière dont il les racontait et la manière dont il se servait de la langue française, qui est quand même une langue très riche. Et donc, j'ai enchaîné et très vite, j'ai été addict. Mais je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça avec un auteur. Je sais pas si j'ai lu tout Victor Hugo, parce que Victor Hugo a beaucoup écrit dans des journaux, etc. Et ça, c'est sûr et certain que non. En revanche, tout ce qui est publié, j'y suis passée. Bon, ça fait déjà quand même beaucoup ça plus que la moyenne des mortels, à mon avis. Oui, mais du coup, il y a beaucoup de livres que j'ai pas lus. Il y a beaucoup de livres très connus que j'ai pas lus. Jean-Marc Kovas, la vie de Victor Hugo a elle-même quelque chose de totalement romanesque. Quand on voit son parcours, brocardé, puis encensé, royaliste, puis républicain, une vie qui est faite d'exil et surtout de deuil, mais qu'on souhaite à personne. Rien que sa vie, c'est énorme. Oui, oui, je pense à un vers qu'il a écrit lui-même, « Ma vie ayant été dure et funèbre en somme ». Il écrit ça quand il a une cinquantaine d'années, donc il en a encore pas mal à vivre. Oui, on a l'image d'une vie très très féconde, très joyeuse, très heureuse, mais il a vraiment effectivement côtoyé des tas de drames. Bon, ce qui frappe tout d'abord, c'est sa longévité et le fait que bon, ce soit un siècle. Hein, c'est une vie, ça c'est le hasard des dates de naissance. Il explique quelque part que c'est pas pareil pour un grand homme ou pour un homme en général de naître au début d'un siècle et de parcourir tout le siècle, ou de naître 30 ans avant un siècle et puis d'être partagé entre deux siècles. Lui, c'était un homme siècle, comme Voltaire a été un homme siècle à peu près. C'est le 19e, 1802 pour la naissance, 1885 pour la mort. Et comme il avait beaucoup écrit de son vivant, beaucoup plus qu'il ne pouvait même publier, on a continué à publier des livres nouveaux de Victor Hugo, pendant 15 ans après sa mort. Donc chaque année, il y avait aussi encore un nouveau livre de Victor Hugo. Donc on peut vraiment dire qu'il a couvert tout le siècle. Son premier livre ayant été publié, on le fête cette année, ayant été publié en 1822. Donc on fête le bicentenaire du premier livre de Victor Hugo cette année. Et d'où vient cette appétence pour l'écriture? On a vraiment l'impression que c'était quelque chose d'impérieux. Il ne pouvait pas s'empêcher d'écrire et sous n'importe quel support, parce qu'il a écrit des tribunes, des discours, des pièces de théâtre, des poèmes. C'est vrai, alors il faut remonter à l'origine. Peut-être qu'il a été... très seul lui aussi dans son enfance, et bon, le fait est, il a été mis en pension, il a beaucoup travaillé la langue française à partir d'une langue étrangère, ce qui est intéressant comme méthode, mais qui est souvent, enfin c'est pas souvent comme ça, en tout cas lui c'était le latin, la langue étrangère, donc pas vraiment une langue vivante non plus, mais quand même, et donc le latin à l'époque c'était enseigné énormément, c'était devenu quasiment une langue vivante pour lui, et il s'est entraîné tous les jours quasiment, quand il était au collège, à traduire en français des poèmes latins qu'il admirait, Virgile on va dire par exemple, et il se notait lui-même, il recommençait, il retravaillait indéfiniment comme ça, et si bien qu'il est arrivé très vite. Il est arrivé, je crois, pour toute sa vie, à parvenir à la meilleure formulation possible d'une idée, de ce qu'il voulait dire. Et ça, c'est remarquable quand on voit ses brouillons. D'abord, il écrit très vite. Son style est remarquable, mais il n'aurait pas pu écrire autant s'il avait travaillé autant que Flaubert, en recommençant sans arrêt les mêmes phrases. Il travaillait beaucoup, mais il arrivait, les combinatoires, on peut dire, le choix des mots, tout ça se faisait extrêmement rapidement. Et c'est une gymnastique qu'il a prise étant enfant avec la forme du vers et qu'il a ensuite gardé toute sa vie. Jenna Boulmedaïs, est-ce que vous êtes intéressée à l'homme aussi, à la vie de l'homme derrière son œuvre? Oui, assez. Justement, grâce à Jean-Marc Kovas, j'en ai appris un petit peu plus. Je me suis intéressée à sa vie, premièrement parce que je trouvais ça étrange de lire un auteur qui, pour moi, faisait un sans faute, non pas parce que j'ai aimé tout ce qu'il a écrit, mais parce que, peu importe la forme dans laquelle il écrivait, il était reconnu pour son travail, et je trouvais ça assez fou. Et aussi parce que je me demandais si l'auteur des Misérables était, entre grands guillemets, légitime d'écrire un livre pareil. En fait, je voulais savoir si ses combats, les combats qu'il menait dans ses livres étaient des combats qu'il menait dans sa vie. Et je suis rassurée. et donc justement, de quel milieu vient-il? Il vient d'un milieu plutôt modeste. Victor Hugo n'était pas un homme qui roulait sur l'or. En fait, c'était un passionné qui se contentait de peu et qui, dès lors qu'il a commencé à rouler sur l'or, parce que malgré tout, il fait partie de ces auteurs qui ont été très très connus en étant en vie, il investissait dans ses causes. Et ça, c'est quelque chose de très chouette. Enfin, Victor Hugo donnait de l'argent aux personnes qui n'en avaient pas. Oui, et puis alors, au niveau familial, il y avait aussi un père et une mère qui étaient un petit peu à couteau tiré, et puis qui avaient deux visions un petit peu différentes du monde et même de la politique. Je pense qu'on peut-être en parler, Jean-Marc Kovas. Oui, c'est pour ça que je parlais de sa grande solitude aussi dans son enfance, le fait qu'il se soit peut-être enfermé sur lui-même. Mais bon, il était dans une famille où les parents se sont détestés très très vite, donc il a quasiment jamais connu ses parents ensemble, et puis c'était extrêmement violent, enfin entre eux, donc soit ils étaient complètement séparés, auquel cas il n'y avait pas trop de problèmes, soit, et après il y a eu des échanges très très violents, bref, donc il a été heureusement il avait deux frères qui ont beaucoup compté pour lui, trois garçons assez proches dans le temps, mais il venait d'une famille qui, alors là, c'est peut-être une chance, en tout cas, il l'a recomposé de la sorte, représenter toutes les positions politiques de l'époque, du côté de son père, soldats dans les armées républicaines, grande ascension sociale, devenu général de l'Empire, donc vraiment, tout ce qui a été rendu possible par la Révolution française, et puis, du côté de sa mère, au départ à peu près les mêmes idées, mais elle était tellement opposée à son mari qu'elle a épousé très vite les idées opposées de son mari, donc la mère légitimiste, pour le retour de l'ancien régime, pour le retour des rois, donc il a été élevé par une mère dans la haine des idées de la Révolution française. Par exemple, il a mis beaucoup de temps à revenir aux idées idéales de son père et à devenir le chantre de la République. C'est pour ça que vous avez dit qu'il avait parcouru beaucoup d'idées politiques, ce qui est vrai. Alors on dit souvent, ses ennemis disent que ça a été une girouette, parce qu'il a, effectivement, il a, depuis sa naissance, c'est l'homme d'un siècle, dans l'ultra-royalisme jusqu'à sa fin, où il siégeait à l'extrême gauche du Sénat, il a parcouru, il a eu toutes les positions politiques, mais c'est linéaire. En 1996 est sorti Le Bossu de Notre-Dame, un grand dessin animé Disney qui a adapté à sa manière l'œuvre de Victor Hugo. Il y a notamment une scène du juge Frollo, interprété par Jean-Pierre en version française, interrogeant son désir face au fantasme d'Esmeralda dansant dans les flammes, qui est sûrement une des scènes les plus adultes que l'on puisse voir dans un Disney de ces années-là. On écoute Infernal, tiré du Bossu de Notre-Dame. Cette émission est réalisée par Céline Hila, elle a été préparée par Manon Rax, Aurore Mansip et Benjamin Ducy, avec l'aide de nos stagiaires Benjamin Woodcock et Alice Galtier. Beata Maria, je clame que mon âme est pure, de ma vertu j'ai droit d'être fier. Beata Maria, mon cœur a bien plus de droiture qu'une commune vulgaire foule de traîneurs. Mais pourquoi Maria, quand elle danse l'insolente, ses yeux de feu m'embrasent et me hantent. Quelle brûlure, quelle torture, les flammes de sa chevelure dévorent mon corps d'obscène flétrissure. Infernal, bacchanal, l'enfer noircit ma chair. Du péché, du désir, le ciel doit me punir. Est-ce ma faute? Pourquoi ce blâme? C'est cette sorcière gitane par qui mon cœur s'enflamme. Est-ce ma faute si notre père a fait les hommes moins puissants que Lucifer? Ma pitié, Maria, protège-moi du mauvais sort, de cette fleur du mal et de son corps. Détruis Esmeralda, qu'un rideau de feu soit sur un seul, ou fais qu'elle soit à moi et à moi seul. Ministre Frollo, la bohémienne s'est enfuie. Quoi? Elle n'est plus dans la cathédrale, elle s'est échappée. Mais comment? Ça ne fait rien, sors d'ici, idiot. Je la trouverai, je l'aurai, même si je dois brûler tout Paris. Infernal, bacchanal, diabolique sorcière, sois mienne, ma passion te mènera en enfer. Seigneur, pitié pour elle. Seigneur, pitié pour qu'elle s'offre à moi. Vous êtes bien sur France Inter et vous venez d'écouter Infernal, tiré du Bossu de Notre-Dame dans Blockbuster sur France Inter. Toi, la bohémienne, descends tout de suite! Oui, votre honneur, dès que j'aurai libéré cette pauvre créature. Je te le défends! Comment oses-tu me défier? Vous maltraitez ce pauvre garçon tout comme vous maltraitez mon peuple. Vous prêchez la justice, mais vous êtes cruel envers ceux qui ont besoin de votre aide. Silence! Justice! Prends bien garde, l'Égyptienne. Je te ferai payer ton insolence. Dans ce cas, mes amis, nous avons couronné le mauvais fou. Car le plus fou ici, c'est vous. Capitaine Phoebus, arrêtez-la. Il est fort probable que vous soyez toujours sur France Inter et vous venez d'entendre un extrait du Bossu de Notre-Dame et dans lequel Rebecca Dreyfus interprète Esmeralda. Pierre Gramont, les combats de Victor Hugo pour l'abolition de la peine de mort, le suffrage universel, la liberté de la presse et son opposition à Napoléon III ont fait de lui une personnalité remarquable mais aussi assez clivante. Et j'ai remarqué dans votre parcours que c'est ce qui vous a intéressé précisément. Oui, tout à fait. Alors, c'est une personnalité clivante, surtout parce que c'est une personnalité engagée. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est la force de son engagement pour des causes qui sont proches des miennes, finalement. Le combat contre les injustices, d'ailleurs, c'est étonnant, en entendant l'extrait, là, il y avait le mot « justice », Esmeralda qui combat pour la justice, et je me dis que c'est vraiment un fil rouge qui traverse toute l'œuvre et aussi la vie de Victor Hugo. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Et surtout, ces injustices, il les combat avec la force de sa plume, de son verbe, de son éloquence. C'est très intéressant ce que racontait Jean-Marc Ovas sur la manière dont il a, jeune, travaillé son écriture. Et j'ignorais que c'était à partir d'exercices comme ça de traduction du latin. Et effectivement, ces formules, ces phrases sont tellement percutantes que moi, je n'ai rien trouvé dans la littérature qui défendait aussi bien ces causes-là. Et alors, ce qui est frappant, c'est de voir que quand il a un ennemi, en l'occurrence Napoléon III, que pourtant il soutenait au départ, et puis quand le coup d'État est arrivé, il a tellement été choqué par ce qu'il a vu qu'il a décidé que non, cet homme ne devait pas avoir le pouvoir. C'est que quand on est un ennemi ou quelqu'un qui n'est pas reconnu par Victor Hugo, franchement, on s'en prend plein la tronche, pardonnez-moi l'expression, mais il a été très très virulent vis-à-vis de Napoléon III, Jean-Marc Ovas. Oui, mais il l'a mérité, ce qu'on peut dire. Mais c'est vrai qu'il avait, alors, pour continuer sur la latinité, il avait tous les textes de Juvénal très violents contre les empereurs romains en tête, et il a adapté ça de façon exceptionnelle à son temps. Et bon, il faut bien dire, il faut bien voir que cette opposition très violente à Louis-Napoléon Bonaparte d'abord, puis Napoléon III ensuite, ça a été tout de même progressif. Et si Hugo est si violent, c'est pas parce que c'est Napoléon III, c'est parce que il a entraîné toute la France dans une catastrophe sans nom, et il a été parjure, donc il avait accepté des règles qu'il a bafouées ensuite, etc. Donc il y a vraiment c'est une colère qui n'est pas feinte. Je pense qu'il y a la lutte contre l'homme et la lutte contre les principes, et là les deux ont coïncidé. Jenna Boulmedaïs, il y a aussi ce principe absolument, mais sur lequel on ne peut pas revenir pour Victor Hugo, qui est la liberté de la presse et la lutte totale contre la censure. C'est quelqu'un qui était vraiment d'un bloc. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis tournée vers le journalisme. C'est qu'initialement, j'étais en lettres et justement, j'étais dans la classe de Jean-Marc Ovas. Non. Lorsque j'ai appris ça, en fait, quand je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'aille en journalisme, c'est vrai que moi ça m'a rassurée de me dire que le combat a commencé et que le combat n'est pas terminé, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que la liberté de la presse n'est pas encore complètement faite. Dès lors que tous les médias se font racheter, c'est que c'est pas ok. Et donc oui, il rassure là-dessus, mais en fait, ce qui est fou avec Victor Hugo, c'est que peu importe les combats qu'il a eus, il les a tenus du début à la fin. Et à aucun moment il a flanché, et à aucun moment il s'est dit que. En fait, il avait une image qui était hyper connue, tout le monde savait qui c'était. Il aurait pu vouloir se faire bien voir des plus puissants, et en fait, pas du tout, il leur a tenu tête. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dingue et qui est très fort pour lui. Bravo. Pierre Gramont, il y a aussi son engagement pour l'abolition de la peine de mort, et à une époque où c'était encore presque beaucoup moins évident qu'au XXe siècle, là-dessus aussi, il était précurseur. Il était complètement précurseur puisque lui, il a commencé ce militantisme, si je puis dire, dans les années, alors je sais pas exactement, mais mettons 1840, quelque chose comme ça, et que la peine de mort en France a été abolie 140 ans plus tard. Et il était très fort. D'ailleurs, c'est le premier texte que j'ai monté de Victor Hugo. C'était avec des élèves dans une classe théâtre d'un lycée, avec des secondes. Et en fait, je cherchais un texte un petit peu engagé. Je me rappelais vaguement de le dernier jour d'un condamné, etc. Je me suis dit, bon, bah, ça, c'est un récit. Et en fait, à la fin de cette édition, je ne sais plus dans quelle édition, il y avait trois textes au sujet de l'affaire Tappeneur. Et Tappeneur, c'était un homme qui a été accusé et condamné pour meurtre à Guernesey, alors que Victor Hugo, à ce moment-là, habitait à Jersey. Il a été outré et il a tout fait pour empêcher cette exécution. Il a écrit une lettre absolument magnifique aux habitants de Guernesey, qui est parue dans les journaux, avec des arguments mais magnifiques, qui vont du rationnel à l'irrationnel, de la justice, de la morale, de la mythologie, de la religion, comme il savait si bien faire. Les habitants de Guernesey ont fait, selon ce que proposait Hugo, des pétitions, des manifestations, etc. L'exécution a été repoussée une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Finalement, il a eu lieu. Et là, il a écrit une lettre au ministre de l'Intérieur anglais, Lord Palmerston. Et cette lettre, mais c'est une bombe. Et en fait, il y a dans son œuvre, et c'est ça que je trouve intéressant, il y a la fiction où on sent que tout est bien cousu avec des personnages. C'est un petit peu pédagogique, Le dernier jour d'un condamné ou Claude Gueux. Et derrière, il y a aussi son action à lui, et il utilise sa plume pour avoir une action politique, une vraie action. Et quand je dis action, c'est pour agir, pour que cette exécution n'ait pas lieu. Et ces textes, moi, je les trouve encore plus forts. On va poursuivre notre exploration de la vie de Victor Hugo, mais pour le moment, on écoute la voix envoûtante de Colin Rio avec On m'a dit, une proposition de notre programmatrice musicale Valentine Chedebois, que l'on remercie au passage. On m'a dit, t'es trop douce, t'es trop lisse, tout glisse sur toi. Sois moins tendre et descends ta voix. Tu sais, les gens gentils comme toi, on n'aime pas ça. Faut te durcir. On t'écoutera pas. Je veux me montrer nue devant vous. Je ferai tomber les bijoux. Ce soir, je veux vous montrer mon visage sans le maquillage. Écoutez ma voix. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça quand même drôlement bien, Colin Rio. On m'a dit. Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter. Un extrait des Misérables de Tom Hooper, sorti en 2012, adapté de la comédie musicale du même nom, adapté du livre du même nom. Et on vient d'entendre Anne Hathaway qui interprète Fantine, ce qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice pour un second rôle. Jean-Marc Ovas, parmi les nombreux combats de Victor Hugo, il y en a un dont on n'a encore pas parlé, c'était qu'il était pour une Europe unie. C'est-à-dire que l'idée d'Europe était déjà très très forte chez lui. Oui, il y a un beau texte, notamment au moment de l'exil, sur où il imagine même une Europe avec une monnaie unique. C'est du délire. C'est assez, un texte assez stupéfiant des années de Jersey, dans les années 50. Voilà, maintenant, quelle Europe ? Ce sera une autre émission peut-être, ou un autre débat, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est l'Europe d'aujourd'hui ? Est-ce que ça aurait été une Europe ? En tout cas, c'est une Europe de la culture. Avant tout. Alors, c'est pas une Europe d'aujourd'hui. Voilà, on est d'accord. Et Jenna Boulmedeis, j'ai regardé le nombre de deuils qui ont touché la vie de Victor Hugo. C'est absolument effarant parce que il a enterré beaucoup de ses enfants. Son frère a été interné, noyade de sa fille, son autre fille Adèle qui devient folle. C'est incroyable. Et je crois qu'il a vu partir la quasi-totalité de sa famille. Oui, complètement. Je ne saurais même pas dire combien il y a eu de deuil dans sa vie, étant donné qu'il y en a eu énormément. Ce que je sais, c'est que ça nourrit pas mal de ses textes et que on remarque que Victor Hugo, bizarrement, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus proche des morts que des vivants. Bien que ce soit une personne qui était très famille dans sa famille proche, celle qu'il a créée. C'est une personne qui, je pense notamment aux Contemplations, qui sont hyper connues, qui sont des poèmes qui ont pas mal été étudiés aussi dans les écoles. Il a toute une partie sur le décès de sa fille, qui est, je crois, en littérature française, le recueil de poésie qui m'a le plus touchée. Parce qu'il a une manière de parler du deuil, et il a une manière de vivre le deuil qui est tellement propre à lui, qui fait que les sentiments qu'il décrit dans ses œuvres sont hyper communs, en fait. Parce que il le dit avec tellement de naturel, parce que c'est réellement ce qu'il vit, il le dit avec tellement de naturel qu'en fait on est obligatoirement touché. Et c'est, je pense, qui plaît énormément dans l'œuvre d'Hugo, et pour quelqu'un qui a vécu autant de deuil, je trouve qu'il s'en est quand même bien sorti, parce qu'on en connaît des auteurs qui ont mal tourné, ou qui se sont suicidés, ou qui ont vécu des choses beaucoup moins fun. Tout Donc, à fait. Bravo à lui, encore une fois. Victor Hugo a mené des grands combats toute sa vie, mais il en demeurait néanmoins un homme de son époque, et notamment dans son appréciation du continent africain. Et ça, il y a des gens, en 2022, ils n'aiment pas. On a tous étudié en cours Les Misérables, Notre-Dame de Paris ou encore Les Contemplations. Mais par contre, on a rarement entendu parler de son fameux discours sur l'Afrique, prononcé le 18 mai 1879. Non seulement dans ce discours, il légitime et encourage la colonisation de l'Afrique, mais en plus de ça, vous allez voir que sa vision de l'homme noir n'est pas très élogieuse. Au 19e siècle, l'homme blanc a fait du noir un homme. Au 20e siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. L'Afrique n'a pas d'histoire. rendre la vieille Afrique maniable à la civilisation, tel est le problème, l'Europe le résoudra. Allez, peuple, emparez-vous de cette terre. Prenez-la à qui ? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la, versez votre trop-plein dans cette Afrique. Et du même coup, résolvez vos questions sociales. Changez vos prolétaires en propriétaires. Allez, faites. Faites des routes, faites des ports, faites des villes. Croissez, cultivez, colonisez, multipliez. Moi, personnellement, j'aurais plutôt dit que voilà, ce discours de Victor Hugo nous prouve encore une fois à quel point l'esprit colonial était extrêmement ancré en France. Mais bon, après, ce n'est que mon avis. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. C'est toujours le moment délicat dans cette émission, et surtout quand je me replonge dans le parcours de quelqu'un et que je tombe voilà sur ce genre de déclaration, parce que je me dis bon, ouais, je vais peut-être pas en parler, et en même temps je sais très bien que si je n'en parle pas, je vais recevoir des tonnes de messages, et oui, par contre vous avez passé sous silence le fait son discours sur l'Afrique. Donc je me dis que les auditeurs sont grands, logiquement nuancés, et que tout le monde peut comprendre qu'on parle d'un homme qui a vécu au 19e siècle, dans une autre époque, dans un autre contexte, et qu'on peut dire et prononcer les mots qu'il a prononcés, tout en étant un fervent défenseur de l'abolition de l'esclavage, ce qu'il a fait. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole aux gens autour de la table pour effectivement parler de cette autre époque et de ce qu'on essaie de lui faire dire aujourd'hui aussi. Jean-Marc Coas ? Vous avez raison, c'est une erreur d'aujourd'hui, mais qui est courante de penser que c'est un homme du 21e siècle. C'est un homme du 19e siècle. Il était extrêmement visionnaire, en avance sur son temps, mais il appartient à son temps. Mais je pense qu'on peut le dire pour tout le monde. Donc c'est un magnifique intempestif. Maintenant, dans ce discours sur l'Afrique, c'était le moment, ce qui est soit accablant, soit pas accablant, c'était le moment où il était à la fin de sa vie, donc il avait rejoint l'extrême gauche. La gauche était colonialiste, et il l'est nettement moins, puisqu'on trouve que dans ce discours-là, précis, il était nettement moins que la plupart des gens de l'époque. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le sujet. Pierre Grammont ? Alors moi, pour le coup, c'est vraiment une partie de sa vie et de son œuvre que je connais mal, mais ce qu'on entend, malgré tout, c'est que il y a une bonne intention derrière. C'est une intention humaniste, qui est évidemment l'erreur volontaire ou involontaire qui a permis le colonialisme. Mais en tout cas, c'était peut-être une fausse croyance, sans doute une illusion, mais il pensait que c'était dans un but humaniste. C'est ce que j'entends. Et de fait, il était contre l'esclavage, il a défendu l'abolition de l'esclavage. Ça, c'est sûr. Jenna Voulmedaïs ? Eh bien, je ne dirais pas mieux. Mais j'ai l'impression que ce soit ce sujet-là ou d'autres sujets, il s'est souvent pas mal contredit dans sa vie et dans ses combats. Avec les femmes, c'était pareil. Donc, exactement. J'allais le dire. Ouais, et puis, encore une fois, c'est pas la même époque. Et en fait, aujourd'hui, on a beau tous se battre contre ça, c'est pas pour autant que à cette époque-là, en fait, à cette époque-là, c'était aussi un des seuls qui se battait pour l'abolition de l'esclavage. Dis les bons mots, Jonas, s'il te plaît. et donc, du coup, pour ça, je pense qu'on peut déjà lui dire merci. Et voilà, comme on le dit, hein, c'était un homme du 19e siècle. Ce qui aurait été beaucoup plus grave, c'est de dire ça au 21e siècle, oui, ou dans un discours à Dakar, où là, vraiment, là, ça aurait posé beaucoup. Mais ça n'arrive jamais, ça. Ça n'arrive absolument jamais, bien évidemment. Alors, on a entendu tout à l'heure un extrait des Misérables, qui constitue quand même un petit peu son blockbuster à lui, qui est devenu ensuite une comédie musicale qui fait salle comble à Londres, à Broadway, depuis des années. Il y a eu un film, il y a même des mangas autour des Misérables. Comment il a eu l'idée de ce récit épique et de ces personnalités tellement fortes qui sont un petit peu, je mets ça entre guillemets, mais nous, super-héros français, parce que Jean Valjean, c'est une figure, mais plus grande que nature, conspuée, mais qui est juste. Enfin, c'est quand même incroyable, Pierre Grammont. Alors, je pense que Jean-Marc Ovas aura peut-être plus d'éléments précis dans l'évolution des Misérables. Il avait commencé à l'écrire dans les années 1840, avant l'exil. Il s'est interrompu, peut-être avec la mort de Léopoldine, sa fille. Il a très peu écrit pendant quelques années, je crois. Et ça, il l'a repris pendant l'exil. Je crois que c'est sorti vers 1855. Enfin, ça vous... 62, il s'interrompt vraiment de 48 à 60. Donc il s'interrompt 13 ans. Donc ça mélange les deux périodes de sa vie. Donc la période d'avant l'exil où il est académicien, pair de France, etc. Et puis il le reprend 12 ans plus tard où il est plus rien. Il est proscrit. Il est devenu un opposant. Donc ça mélange, disons, les deux grandes périodes de création, les deux grandes période de sa vie. Donc c'est effectivement une œuvre totale, et si l'on, pour parler de l'intérêt de ce livre, même pour lui, il savait que c'était sa plus grande œuvre, et quand on cherche Hugo, on a tout Hugo dans Les Misérables. Donc ça c'est pratique, on peut dire quand on a Les Misérables, on connaît tout Hugo. Il y a eu d'autres Hugo, mais c'est quand même le vrai Hugo est là. Et comment a-t-il eu l'idée initiale d'écrire Les Misérables ? Alors il commence dans les années 40, c'est le moment où ses grands amis romanciers écrivent des œuvres colossales. Il y a d'un côté Balzac qui construit roman par roman une sorte de roman total qui est la Comédie humaine, et puis de l'autre côté, il y a son ami Alexandre Dumas qui a un théâtre, théâtre de la Renaissance. Ils sont très liés, et Alexandre Dumas et compose au même moment ces grands romans qui ont un succès énorme, de romans feuilletons qui passent dans la presse, etc. Hugo, lui, ne veut pas publier de romans, d'œuvres littéraires dans les journaux. Il était contre le principe du roman feuilleton, pour lui en tous les cas, mais il a ces deux modèles, on va dire, pour simplifier, hein, Balzac et Dumas, peut-être Eugène Sue aussi, voilà. C'est ça qu'il a comme modèle au départ. Et lui, il veut non pas les concurrencer, mais il part de là en tous les cas. Il ne faut pas oublier qu'il avait écrit Notre-Dame de Paris, qui a été un énorme succès. À tel point, et surtout, ce que je trouve beau dans Notre-Dame de Paris, c'est qu'il a voulu sauver Notre-Dame. C'était un de ses objectifs. Notre-Dame était complètement à l'abandon, à tel point que le gouvernement de l'époque était sur le point hésiter entre la restauration et la démolition. Et lui, qui était un amoureux des vieilles pierres, un précurseur pour le coup dans les idées de patrimoine comme ça, il a voulu sauver ce monument. Et ce monument est devenu, après le roman, totalement emblématique pour la population française. Bon, on l'a vu dans les mois que son incendie a provoqué dans la population. Ouais. On arrive bientôt vers la fin de cette émission. Mais avant cela, on écoute MC Solar et Big Flo et Oli, Bons élèves. Flash, photographe, autographe, et puis crash. Tout le monde te lâche, oui, le monde peut être trash. Je suis un produit, moi et mes mots, que l'on consomme en chantant mes sentiments dans des morceaux, sur des albums que je vends. Je pense aux concerts, je pense aux radios, à la télé, évidemment. Je donne ma chair, mes idéaux, et je ressens un vide en moi. Est-ce qu'on devient toujours ce qu'on dénonce? Mes fans m'appellent par mon prénom. Florian. Tic-tac, tic-tac, c'est le décompte. Ils veulent de moi toutes les réponses. Bien sûr que j'ai exagéré un peu. En vrai, je vous connais pas. Et je vois bien qu'Oli le vit mieux que moi. Que des deux, je suis le moins sympa. Ils disent tout ça. Le rap m'a sorti sa facture. Moi qui l'avais appelé au secours. Des milliers d'inconnus qui m'aiment. Comment tous les aimer en retour? On a beau le dire, mais dans l'absolu, pourquoi on oublie l'atterrissage? Voilà l'ironie. Je voulais être connu. Et maintenant que je le suis, je cache mon visage. Et plus on s'élève, plus on s'enlève de ce qu'on surplombe. Tout le monde veut devenir célèbre. Tous les gens célèbres voudraient être tout le monde. Alors oui, je bois pas, je fume pas. Je suis un exemple pour la génération. Mais j'adore le casino et le sexe. Et j'en parle jamais dans toutes mes chansons. Tu vois qu'on se lâche. Les bons élèves, premiers de la classe. Je crois que c'est pas si vrai. Enfin, je sais plus trop. Les adultes voudraient faire de nous des exemples. De nouveaux symboles caricaturaux. Mais le rap me regarde de travers. Il aimerait que je dévoile tous mes défauts. Il me défie, je mets les formes. Et il revient malgré tous mes efforts. Je suis qu'un artiste. J'écris forcément pour les gens. Je ne suis pas que mes désirs. La frontière entre ce qui me plaît vraiment et ce qui vous fera plaisir. À chaque fois je recommence pourtant. Ma vie et mes vœux jetés en pâture. Oli m'a dit donne tout pour les gens. Tout ça c'est grâce à eux. Mais j'en suis pas sûr. Ce qui se façonne avec le temps s'en va avec le temps. Et c'est les têtards qui se prennent pour les meilleurs de tous les temps. Flash, photo, je signe autographe et contrat. Maman, je suis une star. Si je ne réponds pas, flash, photo, je signe, autographe et contrat. Maman, je suis une star, pardon si je te réponds pas. Dis-moi pour qui j'écris, entre vous et moi, une fine ligne. En vérité, je porte mon humilité comme un bling bling. Ai-je raison de lutter contre le temps comme un grand têtu? Réussir trop tôt, c'est bricoler des morceaux sans vécu. Séparer l'homme de l'artiste, si t'as une scie, j'en ai bien besoin. Presque heureux d'être triste, tant pis si ça m'inspire un bon refrain. Égocentrique, je m'appuie sur le cœur des autres pour être à la hauteur. Je fais des titres sur les histoires de mes potes sans leur donner de droits d'auteur. Privilégié, je vis le rêve de beaucoup, je m'accorde même une pause. Regarde-moi, j'ai fait des milliers d'euros en racontant ma vie de pauvre. J'ai fui les problèmes du quotidien, sur ma voile j'ai laissé souffler le vent. Je n'aurai jamais d'horaire, mais on me dit merci d'avoir trouvé le temps. Le succès. Le remède pour ma confiance. Est-ce que c'est ce petit malade que je viens visiter, ou bien c'est ma conscience? J'ai amplifié mes souffrances, j'ai emballé mes douleurs. Est-ce que ma tante me met en fond d'écran si j'étais boueur? Est-ce que c'est le hasard s'il y a art dans le mot arnaqueur? J'ai jamais dit non, je me cache derrière l'humeur de Flo ou le mail du manager. T'as vu comme mon lit est simple, je me nourris de vos commentaires. Mon esprit de sensu ira même jusqu'à censurer notre documentaire. Je parle de moi, j'ai mes trophées dans le salon, je retweet si tu me cites. J'aime aller voir le concert des autres artistes, surtout si la salle est plus petite. Je serre des mains et je fais des photos, je suis presque devenu un politique. Et je veux tellement être exemplaire que tu rappes ton autocritique. Big Flo et Oli, bons élèves sur France Inter. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Et là, je sais que vous vous disiez, oh, on va peut-être y échapper avant la fin de l'émission, mais ça serait mal me connaître. C'était un extrait du Temps des cathédrales, extrait de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, qui est apparu en 1998. Et justement, ça me permet de vous poser la prochaine question. On connaît Notre-Dame de Paris, tout le peuple français connaît Notre-Dame de Paris, même au niveau mondial on connaît Notre-Dame de Paris, on connaît Les Misérables, mais pas autant de personnes ont lu Victor Hugo. Donc comment on explique qu'au bout d'un moment, ces personnages et ces histoires ont pris la poudre d'escampette et vivent leur vie presque sans leur père fondateur? Les adaptations, probablement. Le fait d'avoir autant adapté ses œuvres fait que les gens qui ne sont pas spécialement intéressés par la littérature, et en fait c'est tant mieux, peuvent également découvrir Victor Hugo. Je dis pas que c'est spécialement, enfin je dis pas que c'est exactement pareil, parce que pour ma part, je suis pas très cinéma, je suis pas très comédie musicale, et donc du coup je... Mais ça c'est intéressant, c'est-à-dire que pour vous, vous avez jamais regardé les adaptations cinématographiques? J'ai regardé les derniers Misérables qui est sorti au cinéma, là, le film. Le film. Et je l'ai trouvé plutôt bien, mais en fait, encore une fois, moi ce qui m'intéresse chez Hugo, c'est la manière dont il emploie ses mots. Et quand on regarde une adaptation, on n'est pas sur les mots exacts de Victor Hugo. Donc je trouve ça chouette, parce que ces histoires sont chouettes, mais c'est pas pour autant que ça me plaît autant. Sauf peut-être ces pièces de théâtre quand je les vois, parce que ce sont ces pièces de théâtre, auquel cas là j'aime vraiment, mais c'est toujours génial de voir que une œuvre qui nous plaît est adaptée sous différentes formes, parce qu'on se dit que ça va élargir un plus grand public et faire connaître de plus en plus Hugo, même si beaucoup de personnes peuvent regarder les œuvres sans se dire que ce sont des adaptations et donc ne pas savoir que ça vient de Victor Hugo. C'est pas grave, l'idée est là. Pierre Gramont, vous l'avez dit, vous, c'est les discours et le Victor Hugo engagé qui vous a séduit, parce que pour vous, les histoires étaient peut-être un peu plus calibrées. Et justement, quand les gens viennent voir c'est cet aspect de Victor Hugo plus engagé, est-ce que vous sentez des fois un regret de pas aller vers les Madeleines telles que sont Notre-Dame de Paris, Les Misérables? Un regret de la part du public? Oui. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'abord, il y a quand même dans le spectacle qui tourne actuellement quelques tubes, Demain dès l'aube, Mélancolia, L'ortie et l'araignée. Et donc déjà, ils sont contents de les retrouver. Même là, il y avait plein d'adolescents dans la tournée que je viens de terminer. Et quelquefois, j'en voyais pendant que je chantais qui réciter avec les lèvres de façon muette les poèmes. Et moi, ça, je me dis, mais c'est dingue. Il y a encore aujourd'hui des jeunes qui savent ça par cœur et qui sont transportés par ça. Ou un jeune qui m'a dit, mais c'est dingue ce texte, je suis tombé dessus au bac, j'ai eu 20, je l'adore trop. Souvenir de la nuit du 4, pour nommer ce texte, qui est magnifique. Et donc déjà, il y a encore des jeunes qui s'intéressent et qui aiment Hugo, même quand c'est appris à l'école, ce qui n'aide pas forcément. Et par ailleurs, ils sont aussi très contents de découvrir des textes qu'ils ignoraient totalement. Par exemple, Le Crapaud, qui est cette histoire de cruauté envers un crapaud, qui a un très long poème, qui est très beau et très gore. Et donc, ils sont quand même contents de découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas. Gina Boulmedaïs, juste pour les auditeurs, quel âge avez-vous ? 20 ans. Donc, mais moi, je suis super content parce que là, du coup, ça met fin à un discours qu'on entend très souvent sur « Oh, mais la jeunesse ne lit plus, ne s'intéresse pas ». Eh ben si, en fait, voilà, on a la preuve. Et ça n'a pas été très compliqué de vous rencontrer. Donc, comme quoi, oui, il y a plein de jeunes qui sont encore fascinés par les classiques. Et ça fait plaisir. Jean-Marc Ovas, au moment où Victor Hugo nous a quittés, il y a des millions de personnes qui sont descendues dans la rue, qui l'ont accompagné jusqu'au Panthéon. C'était des funérailles de rockstars. C'est plutôt les rockstars qui ont eu les funérailles de Victor Hugo, enfin, qui ont essayé. Oui, c'est magnifique parce que bon, il a vécu très longtemps. Et il a peut-être, comme aucun autre auteur, réussi à tisser un lien avec chacun des lecteurs. Parce que chacun retrouve quelque chose qu'il aime chez lui, il a grandi, ils avaient tous grandi avec lui, et donc voilà, c'est ce lien intime avec les Français qui fait de lui un auteur véritablement à part de tous les autres. On n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent, il est le seul. Oui, je crois. Enfin, avoir un lien comme ça intime avec des gens, même des gens qui lisaient pas, parce que Les Misérables étaient lus pour les gens qui savaient pas lire à l'époque. On les lisait, donc ils entendaient les gens qu'ils connaissent sans le connaître. Enfin, je crois que c'est le seul à avoir. Et on vit encore là-dessus. On vit sur la suite de ce lien qu'il a avec, j'allais dire les Français, mais aussi les Européens, puis tous les gens autour du monde, puisque, comme vous l'avez dit, c'est grâce au film Notre-Dame de Paris et Les Misérables, il est connu dans le monde entier. Ça, c'est sûr. Et si je peux me permettre, déjà son retour en France en 1870 a été un événement énorme pour la population. Il incarnait, d'une certaine manière, la patrie aussi, et le destin politique de la France. Oui, on a une sorte de revival des hommes qui emmènent la France à l'étranger et reviennent en héros, comme ça. Et donc, effectivement, vous l'avez dit, personne ne peut aujourd'hui prétendre à concurrencer Hugo, mais est-ce qu'il y a une œuvre, pour les auditeurs rapidement, qu'il faut avoir lu pour découvrir le style d'Hugo ? Les Misérables ou... Moi, je dirais Les Misérables, mais bon, je pourrais dire beaucoup d'œuvres, mais je dirais quand même Les Misérables, oui. Les Misérables. Et si jamais les gros livres, romans effraient, je pense que son recueil de poésie, Lettre à mon grand-père ? L'art d'être grand-père. L'art d'être grand-père, oui, c'est ça. L'art d'être grand-père est exceptionnel. Et je pense, niveau écriture, c'est très très Hugo. Et ben voilà, Les Misérables, L'art d'être grand-père, c'est parfait. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Jenna Boulmedaïs, Jean-Marc Ovas, Pierre Gramont, merci d'avoir évoqué Victor Hugo et son apport à la culture au sens large et aussi à la pop culture. Merci également à Alexandre Chenet à la technique et Julien Chabassu au mixage. Je rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Le numéro, c'est ça, 01 56 40 30 20. Ou en parler sur Twitter avec moi directement avec le hashtag BlockbusterEFI. Et demain, on va parler d'une des séries les plus élégantes de ces dernières années. Une série qui, tout en semblant parler des hommes et d'une époque, ne parle que des femmes et de leur futur. Demain, cigarettes, whisky, costumes et tailleurs, on va vous parler... Mad Men. Bien, Mad Men, évidemment. France Inter.